Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Ainsi se termine votre nuit rêvée, Genevieve Atwood. Au cours de cette nuit, nous avons entendu les voix de James Baldwin, Odile Conversé, Daniel Defer, Richard Kapuscinski, Lionel Trouillot et un documentaire consacré à Diane Arbus. Pourquoi devient-on photographe, Genevieve Atwood ? Ça dépend de la personne. Moi, je suis devenue photographe malgré moi, c'est-à-dire la photo m'a permis de connaître les gens pour qui j'avais une grande curiosité. La méthode, la façon d'entrer en contact avec son sujet, d'établir un lien, la nature du lien qui s'établit alors, est-ce que c'est cela une photographie ? Est-ce que c'est cela que l'on voit à la fin ? Pour moi, c'est ça, oui, plus ou moins, oui. Et est-ce qu'on s'attache à ces photographies ? Est-ce qu'il y a une photographie à laquelle vous êtes particulièrement attaché ? C'est difficile, c'est comme si on demande lequel de mes enfants est le préféré. Je ne peux pas avoir un préféré. Je pense toujours que Blondine est un peu spéciale parce que c'était la première. Donc, il y a une photo d'elle que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi les jumelles, bien sûr. Il y a tellement de photos qui sont mes amies. Et pourquoi prolonger ce travail, d'ailleurs, sur les non-voyants depuis tant d'années? Un travail dont vous dites que vous ne l'arrêterez jamais. Parce que je me lasse pas de ça et je suis toujours curieuse sur les gens qui ne voient pas. Parce que je pense que mes autres sujets... À part Jean-Louis, évidemment, j'ai toujours beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça que je suis curieuse sur eux. Et quand mes questions sont répondues, le sujet est terminé, plus ou moins. Hein? Mais avec les aveugles, j'ai toujours cette curiosité de comment ils arrivent à se débrouiller. Peut-être que c'est un sujet qui vous force à laisser vos yeux grands ouverts. Oui, et aussi ça doit me terroriser, le fait de perdre mes yeux. Hein? Pas mal de gens dans ma famille ont le glaucome. Moi, heureusement, je l'ai pas. Mais je peux pas imaginer de ne pas pouvoir voir. Et ça m'interroge toujours. Merci, Genevieve Atwood, de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. Merci à vous, Alban. Je recommande aux auditeurs le livre d'entretien Genevieve Atwood par Christine Delory-Montberger aux éditions André Frère et bien entendu tous les ouvrages dans lesquels on peut retrouver vos photographies, Légionnaire, Extérieur Nuit, Trop de peine, Femmes en prison, Sentinelle de l'ombre, À contre-coup, Haïti, Rue des Lambards et encore d'autres. Chargée de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Alice Berger, réalisation, Virginie Mourté. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. La nuit rêvée de Genevieve Atwood est disponible sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits, où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter quand vous voulez. Et donc, Genevieve Atwood, vous avez choisi que cette nuit se termine avec la suite numéro 1 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach par Pablo Casals. Par Pablo Casals et personne d'autre, m'avez-vous dit pourquoi ? Parce que je préfère celle-là que tous les autres. J'adore la musique, j'aime beaucoup toutes sortes de musique. J'aurais pu vous donner que de la musique classique, j'aurais pu vous donner que de soul music des années 60, j'aurais pu vous donner que de Renaud ou de Souchon, que j'adore aussi, toutes sortes de chanteurs, Jacques Brel, tout ça. J'ai rien donné de tout ça parce que vous m'avez dit à un moment donné, il faut que 8. Parce qu'une nuit est trop courte. Une nuit est trop courte. Très bonne journée à vous, Genevieve Atwood. Et à vous, merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Thank you.